Lundi, 20h, 21h. Stéphane Corcoran, Baptiste Brunello. Est-ce que ça se discute sur la radio du Mami? Est-ce que ça se discute? Est-ce que ça se discute? Est-ce que ça se discute? Est-ce que ça se discute? Et donc c'est la cinquième émission de Est-ce que ça se discute qui commence à l'instant même à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Nous avons décidé d'orienter la discussion sur le football et pourquoi pas en commentant un match de football. Et alors quel match de football? C'est tout ce qu'on a cherché à chercher. C'est un match avec des joueurs tout petits. Ça c'est des jeunes. Il y a combien de joueurs qui sont sur le terrain? C'est des jeunes du club. C'est une chance pour eux, ils ont l'occasion de. C'est comme les ramasseurs de balles. Donc eux ne vont pas jouer pendant le match. Non. C'est juste des petites mascottes. Chaque joueur a sa petite mascotte. Ils portent genre, je sais pas, des bifanions, des trucs comme ça. C'est une mascotte qui choisit avant le match. En fait, c'est un peu comme dans les cérémonies, dans le mariage, tu sais, il y a des gamins qui amènent les alliances. Là. C'est les amis de la famille. Voilà, c'est les amis du club, les jeunes du club. Des fois à la mi-temps, genre, tu sais, il y a des petites animations sponsorisées, genre, ils se font des tirs au but, tu vois, des petites animations avec ces jeunes-là ou d'autres, c'est ça. Hein. Ils ramassent aussi les balles de football, comme dans les terrains de tennis. Je crois pas. Un peu, alors ils le faisaient beaucoup avant, mais depuis une petite quinzaine d'années, il y a beaucoup de ballons de rechange sur les matchs professionnels. Du coup, dès qu'un ballon part dans les tribunes, il y en a un autre qui arrive tout de suite. Alors qu'il y a une époque où il y avait un seul ou deux ballons et il fallait qu'il y ait le petit ramasseur qui court. Pour quel mois de temps d'arrêt en fait? Ouais, c'est ça, c'est pour accélérer la. Et avant, c'était les gamins qui faisaient ça? Plus, il y avait. Alors, on s'est quand même dit qu'on allait chercher un match un peu plus intéressant qu'un match de Coupe du Monde qui allait être commenté. Cette semaine, la semaine prochaine et tout ça. On a eu plusieurs options. Un des matchs qu'on avait trouvé sur internet, c'était un match qui opposait une équipe de rugby et une équipe de foot. Première mi-temps, un match de foot. Deuxième mi-temps, un match de rugby. Et l'autre option, c'était un vieux match Lyon-Marseille de la saison 2009-2010 où on a été surpris par le score de 5-5 et qu'on a trouvé avec des commentaires russes. Voilà. Donc on connaît déjà l'issue du match en fait. Hein. J'ai spoilé l'issue du match. Et oui, 5-5. Et donc on s'est demandé, mais quelle est la dramaturgie de ce match? Comment arrive-t-on à 5-5 à ce niveau de la compétition? Et ça joue où, pardon? À Lyon, hein. Alors, nous avons un dispositif technique extrêmement compliqué où nous avons le match sur un onglet et la fiche du match sur un autre onglet. Ça se joue bien à Lyon. Ouais. Et nous avons la composition des équipes que nous n'allons pas énumérer pour l'instant. Alors, on peut y aller peut-être. Mais en revanche, nous avons notre invité Carmela pour la première fois avec nous. Est-ce que ça se discute? Donc là, ils sont sur la ligne et le match part parce que le ballon est en route. C'est commencé. Donc, C'est les Marseillais qui ont fait l'engagement. C'est les Marseillais qui ont fait l'engagement. On parle d'engagement, c'est comme au rugby, non? Ouais, mise en jeu, engagement. Donc là, on voit qu'il y a quand même un développement du jeu, là, je crois. Et pour le moment, c'est les Blancs qui ont la balle. Donc c'est les Lyonnais, il faut que tu comprennes. Ça, c'est Lyon. Là, c'est le Lyonnais qui part avec la balle, on dirait, sur le milieu droit, quoi. Un premier tir cadré, mais pas vraiment violent, je crois. Et le gardien de but, c'est le gardien marseillais, Steve Mandanda. Ouais, qui est encore le gardien marseillais à l'heure actuelle et qui est avec l'équipe de France au Brésil en ce moment même. Alors, les auditeurs. Ah non, il n'y est pas, il a été blessé, il s'est fait remplacer, pardon, n'importe quoi. Tout juste par un mec à drôle de physique. Ah oui? Qu'est-ce que tu appelles un drôle de physique? Non, je me sens, c'est un mec qu'on n'avait pas vu déjà beaucoup. Et c'est le second, Lloris, ça a un peu étonné les gens, c'est pas ça? C'est un mec. Comment il s'appelle? Il y a eu un but d'évité aussi. Moi je suis pas le match. Il y a un match? Il y a un but? Ouais. Non, il a été évité parce que le. Donc c'est quoi? C'est un tir marseillais. Gardien de goal là. Donc là, c'est Lloris qui est dans les cages lyonnaises. Oui, Lloris maintenant qui est le gardien de l'équipe de France. On a quand même quelques liens avec Lloris. Pardon, Sandro qui a fait un débordement sur l'aile gauche, je crois, qui va rentrer dans la surface avec le ballon, mais il donne un coup de coin pour. Non. Ah non, il peut non, pas. Et là, non, il y a un tir au 6 mètres. Comment on appelle ça? L'ambiance est tendue. Là. On sent qu'il y a. On se demande ce qui va se passer. Il y a eu un plan de coupe. Et d'autres, les gens ne savent pas, eux, qu'il va y avoir 5-5. Non. C'est ça qu'il faut imaginer. Et c'est là-dessus que nous, on a un avantage certain sur les gens de la tribune. Finalement. Alors là, les gens de la tribune, on a vu un plan de coupe sur Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est lui, le gros? Non, c'était pas le gros. Ah, c'était. Parce qu'on aurait dit Louis-Nicolas, justement, le. C'est pas ça. Non. On va pas voir. Là, il y a un Marseille qui a essayé un truc à l'instant. Un centre. Ça, pour l'instant, quand même, là, tu comprends tout ce qui se passe en fait. Ouais, on dirait bien. Hein. Oui. Je suis abasourdi par la vitesse à laquelle il court. C'est le début, c'est l'entame de match. Souvent, ils sont plus frais vers la fin. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une infographie étrange sur l'image là, avec un espèce de ballon qui est passé en vitesse sur un ballon numérique qui est passé sur l'écran en vitesse. Vous l'avez vu passer ou... C'est le logo. Ouais, un logo qui est passé très vite. Le logo comme de la télé. Ouais. Très bien. Ah, mais c'est pas la réalisation du match. Bah, attention, c'est déjà un but pour. C'est dur, hein. Jean-Michel Aulas au milieu. Et ça fait quoi? Ça fait même pas 5 minutes que ça joue? Non, il y a 3 déjà... minutes. Qui a marqué le but? Alors nous allons directement nous orienter vers la fiche du match. Ah oui. On voit bien qu'il a... Il y a des mecs qui a goulé un noir Il a pénétré la surface de réparation et hop... Alors Pjanic, je sais pas comment on dit. Pjanic a marqué le... Ah, la troisième minute. Après, c'est Sidney Govou. Et là, c'est bien. Et ça, c'est pas tout de suite. C'est là, pendant 8 minutes, il va rien avoir, mais Diawara va marquer pour Marseille. Hein. Très bientôt. Alors, on voit le ralenti. Paf. Là, c'est bon, hein. Ouais. C'est comme au basket, forme de Hollywood. C'est-à-dire qu'il a lancé lui-même le ballon un peu devant et il se fait comme une reprise. C'est-à-dire c'est pas... Une passe à lui-même, quoi. Ouais, c'est pas une... Au basket, on dit quoi? Un Hollywood? Non, tu sais, il y a des mecs qui lancent le ballon et ils sont... Enfin... D'autres types récupèrent en l'air et marquent. En fait. Comme les reprises de volée en foot, quoi. Comme les Harlem Globetrotters pour faire, c'est ça. Très bien. Y a-t-il on sent qu'il y a une réaction marseillaise là tout de suite parce qu'on. Avec un très bel arrêt du Hugo Lloris. Ouais. On sait qu'il n'y a pas but puisque c'est dans 6-7 minutes qu'il va y avoir un but. Donc, on n'a pas été au suivi. Lloris, c'est. Enfin, c'est un. Lloris ou Lloris? Lloris, je sais pas. Lloris. C'est un gardien qui a des allures comme ça un peu molle, mais c'est quand même un mec dynamique, c'est ça? Bah, il est considéré comme un des meilleurs gardiens du monde. Et... Ouais. C'est pas un gros nerveux, je veux dire. C'est pas... Non, et c'est plutôt au contraire un garçon posé, mais. Ouais. Voilà, il a des réflexes, c'est bien de voir là. Oui. Parce que il y aurait une théorie selon laquelle il faut être nerveux et excité pour avoir des réflexes. C'est ça que tu veux nous dire? Non, mais enfin, moi je me représente les gardiens, c'est une espèce de sprinter, tu vois, capable de faire des départs. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, il a pas le physique du sprinter, il est pas très musculeux comme ça, il est plutôt fin et lancé. Plutôt un garçon agile. D'accord. Et lancé. Très élégant. Hein. C'est dans l'histoire des gardiens, il y a beaucoup de. Non, c'est un coup franc. Donc c'est un coup franc marseillais. Mais c'est pas là qu'il va se faire le but, hein, parce que... On en est qu'à 5 ou 6 minutes. Ouais. Ouais, le prochain but, c'est dans 6 minutes. Donc en attendant... En attendant le but, il court. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de publicité. C'est moi ou... Il y a deux rangées de publicité. Mais surtout, là, c'est un match... Enfin, on est en 2009. Hein. Mmh. Ou 2010, je ne sais plus. Ils sont pas un peu excessifs, justement, sur le bariolage. Et puis les panneaux à LED de la publicitaire, c'était plutôt récent, enfin... Ah, c'est donc, tu veux dire que ça fait pas longtemps qu'ils ont des LED et donc. J'ai l'impression qu'il y a plein d'animations aujourd'hui, ouais. Tu vois. Ça s'est calmé un peu. Bah, on va demander même à l'entraîneur de l'équipe de mettre un vêtement d'une autre couleur. Enfin, je veux dire que toutes les perturbations visuelles, toute la pollution visuelle, elle est épurée. Ah oui. Ah, ouais. Qui c'est qui demande à l'entraîneur de mettre un truc? Ça s'est passé avec Marc Villemotte pour l'équipe de Belgique hier. Oui, il y a une faute là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, on lui a demandé de remettre sa veste, si tu veux, puisqu'il avait une chemise blanche. C'est donc les couleurs de l'équipe russe qu'ils affrontaient. Ah, c'était perturbant pour l'arbitre peut-être? Non, ça pouvait être perturbant aussi pour les joueurs russes. Quel est le chemin de passe? Voilà. Non, c'est vrai. Oui, donc je pense que pareil, le bariolage publicitaire, toutes les animations et ça. On pourrait faire une passe à un panneau publicitaire. Non, mais tu vois, ça peut perturber un peu ou déséquilibrer ton. Oui, ce qui se passe dans ton champ visuel. Parce que là, je sais pas si t'as vu, mais derrière les cages, t'as quand même des stroboscopes publicitaires. À mon avis, c'est plus permis. Hein. Ah oui, c'est vrai. T'as ça, et puis t'as un petit défilé, t'as peut-être un puma, d'un Marc Puma qui se déplace. Je veux dire, quand tu cherches à cadrer, c'est quand même un élément visuel important. Ah, tu dis joueurs qui ont des têtes là, quand il y a des stroboscopes, t'as une crise là. L'épilepsie. Ouais. C'est peut-être. Non, ça, c'est encore un coup franc. Encore un coup franc marseillais qui est tiré par. En fait, ça on ne sait jamais, il y a toujours des fans qui va le prendre. Oui, et même si on essaie de le savoir, il faudrait qu'on arrive à lire le numéro des joueurs. Ouais. Ça, c'est quand même une vraie compétence de la part des commentateurs, de savoir quel joueur a le ballon à quel moment. Et encore là, on parle d'un match de championnat français. Ouais, de voilà, joueurs grosses équipes, les joueurs sont relativement connus, mais ouais, quand t'as des petites rencontres. Quand ils font Tahiti, non, Tahiti, ils n'ont pas d'équipe. Jamaïque contre le Belarus. Match international, mais quand même des matchs de Coupe d'Europe. Oui. À l'entrée de la Coupe d'Europe, t'as des petites équipes grecques. Dans lequel aucun joueur est vraiment connu, il faut travailler un peu. Voilà, il y a un peu de travail en amont. Hein. Et alors, c'est une vraie question, comment des mecs comme Christian Jean-Pierre, qui sont quand même pas les couteaux les plus aiguisés C'est des gros bûcheurs. Ouais, voilà. Non mais je pense que c'est, ouais, c'est un petit peu de travail, enfin disons comme un, même un comédien un peu stupide apprend son texte, ces gens là ont 4 ou 5 heures de travail, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est toujours étonnant, parce que si des fois son, quand un joueur va, c'est surtout là l'étonnant, c'est quelqu'un qui est même pas titulaire dans une équipe même pas connue. Et pour autant, Christian Jean-Pierre ou n'importe quel type peut l'annoncer et dire donc c'est lui qui rentre, c'est oui. Un joueur du Dynamo, de je sais pas quoi. Et c'est... Est-ce que ça permet, tu comprends, que quand les commentateurs parlent du match, ils disent machin passe à bidule, enfin ils voient qui sont les différents intervenants, quoi. Est-ce que nous on est quand même assez incapable de. Voilà, de... Est-ce que c'est Sidney Govou? Sans doute, il est noir. Ouais, ça peut être Govou. Mais ça peut être Govou aussi. Mais c'est voilà, c'est pas ça Govou. Pardon. On voit leur numéro en gros, de toute façon. Là, on numéro, bien ça mal. Voilà. Et je pense que les, aussi les commentateurs sont plus près, ils voient bien, ont des beaux et contre contrôle. Alors, bon, après, ils connaissent comme nous, on connaît les gens des groupes de musique. Oui, mais il y a beaucoup de cas de figure, tu vois. Et même les équipes moins importantes, là, c'est le championnat français, donc c'est vrai que c'est. Alors, nouveau ralenti du but. C'est Lloris. Non, mais là, il y a une. Ah non, d'accord, ça. Ouais. Merci pour cette participation. bon, c'est un moment creux du match. Donc, dans les moments creux du match, le réalisateur, en général, passe un ralenti d'une précédente action ou d'un but, fait un plan de coupe sur les tribunes, des jolies filles dans les tribunes, des présidents, des célébrités. Oui. C'est souvent ce qui se passe. Les femmes de joueurs, les enfants, les slogans, certaines revendications et pas d'autres. Il y a tout ça. Et d'ailleurs, Baptiste, tu me parlais récemment d'un réalisateur de télévision qui avait une propension à essayer d'être créatif dans la réalisation des matchs de football, ouais. Qui s'appelle Godard, c'est ça ? On parlait de Fred Godard, ouais. Ouais, qui est un réalisateur sportif qui s'est surtout illustré à Roland-Garros, en fait, parce qu'il a toujours été réalisateur de... Enfin, ça fait quelques années en tout cas qu'il est réalisateur de l'événement. Mmh. Pour les gros matchs, j'imagine que voilà, il y a des duplex, il y a des... Oui, oui, lui il réalise la demi-finale. Et il arrive à faire du foot, et je crois savoir, parce que moi je n'ai pas de connaissances dans le foot, mais j'ai entendu parler de Godard comme Fred Godard, comme d'un mec un petit peu ennuyeux en fait. En tant que personne Non, enfin, c'est-à-dire que, bah, des gens simplement qui sont là pour voir, imaginons Lille, Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue, un match de moindre importance, enfin, en tout cas pas. Eh ben, sont un peu ennuyés par justement des effets stylistiques un peu trop appuyés de la part de ce mec-là. Alors je t'interromps un instant car nous sommes à 10 minutes 33 secondes et le but arrive incessamment. Et c'est, normalement... alors, c'est un corner de l'Olympique de Marseille, corner, reprise tête, de la tête, reprise de Govou, et c'est le but. C'est le but, c'est le but de Govou. Hein. Non, pardon. C'est pas parce qu'il est noir que c'est Govou. Hein. Non mais en plus c'est à Marseille, donc ça oui, pouvait voilà, pas être Govou. Donc c'est un but de la tête d'Aspria. Non. Non, de Diawara, c'est pas Diawara. Diawara. Vérifions la fiche du match quand même, mais j'en suis à peu près sous les mains. J'ai vu 5-5, je me suis dit, on est déjà là. Alors, but de Diawara, égalisation. Ah oui, non. Lyon 1, Marseille 1, balle au centre. Donc, le prochain but, c'est Govou, pardon, c'est ça. Et en 3 minutes. Moi, je me pose une question, c'est que comme le match est retranscrit en russe, ça veut dire qu'il a été visionné en Russie, ça veut dire que c'était un match important pour que les Russes en achètent les droits. En fait, oui. Je me permets de répondre un petit peu. C'est l'impression que j'ai, puisque j'ai été amené à voir des matchs. À commenter en russe, en anglais ou en arabe, des matchs même pas très importants enfin, à l'échelle internationale, mais qui sont commentés et disons retransmis aussi, puisqu'il y a l'intérêt des paris en ligne. C'est intéressant pour les parieurs de voir ce qu'ils jouent, parce qu'ils ont pu miser sur un match de championnat français, alors que ça c'est vraiment pour le enfin ça sert à ça aussi le foot. Et chez nous c'est plutôt récent parce qu'en France on n'avait pas cette culture habitude, de barrière. Voilà. Ouais. Sinon on parle le loto, mais c'est quelque chose d'institutionnalisé, très papier, et ça fait quand même longtemps qu'en Angleterre, en Russie, ça joue sur ce truc là. Et c'est sûrement pour ça en fait je dis qu'on voit un match de championnat français qui n'est pas non plus au final de Coupe du Monde. Non mais c'est quand même un match un peu exceptionnel du fait du 5-5. Oui, mais là, posteriori, tu veux dire. Il a quand même il a quand même été commenté. Il a un direct. Il passe quelque part. Après, quand ça m'arrive d'aller chez des gens qui ont le satellite, même en France, ça diffuse sur le satellite des matchs du championnat du Brésil, d'Argentine, du Chili. Donc, et puis tu vas commenter en français également sur des chaînes du sport. Mais les fois où j'ai été amené moi à voir ces trucs-là, c'était sur des sites internet de paris en ligne. Ah oui. Parce que j'avais voulu comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et puis j'ai fait quelques paris moi-même sur des parties de tennis ou quoi. Enfin, c'est très bizarre. Alors, ça rapporte de l'argent ? Très peu. Très peu. Non, des fois parce qu'en fait j'avais le goût d'exagération. Alors je pense qu'en tout j'ai dû miser 30 euros dans ma vie. Hein. Mais j'avais réussi un jour à gagner des pions sur des matchs du championnat grec. Tu vois. Ouais. En pariant par 3-0 à la mi-temps, puis une égalité au final parce que t'as différents paramètres. Et c'est vrai que moi je lançais des trucs comme ça. C'est tel joueur qui marque en premier. Voilà, t'as tous ces paris-là. Et donc, au plus il est difficile de prévoir, au plus la mise est. Enfin, non, je sais pas comment on appelle ça, c'est le principe de Paris. Le rapport. Je m'intéressais à ça, puisqu'on voyait arriver donc, via Internet. Oula, le but arrive, le prochain but arrive. Ça, c'est Sidney Govou voilà. Qui marque. Voilà, là, il a fait une perce à travers la défense marseillaise. Je pense que sur le coup, ça devait être assez enthousiasmant. On va sûrement avoir action parce qu'on était un petit peu. Si tu regardes Alessandro David, comment il tient, on dirait qu'il a envie de l'approprier. Mais je crois que. Enfin, je connais pas bien l'histoire de ce club, mais il y avait une belle entente entre ces joueurs lyonnais à l'époque. Hein. On dirait. Et ils revenaient de 7 ou 8 années. Nous avons une question de Carmela. quand tu es au goal et que tu te prends la balle, on vient de te la prendre. Le gardien. Ouais. Les gardiens de but, est-ce qu'ils sont rabroués par les joueurs ensuite de manière insistante ou qu'il y a des... Pas dans ce cas-là, parce que là, il peut rien faire. Regarde, il y a Gou qui vient percer dans la défense, paf, ouais. Ça va tellement vite. Non, le gardien. Je veux dire, je pouvais rien faire. Oui, mais le défenseur aurait les mêmes raisons de. Ça va plutôt être lui qui va rabrouer ses défenseurs. Voilà, c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous foutez? Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord. Et c'est pas rare de voir devant les gardiens. Replacer les joueurs, enfin, il a un rôle un petit peu à part le gardien quand même. Ouais, même de se mettre en colère contre sa défense. Là, on peut quand même souligner l'exploit de Govou qui a une percée de tout. Tu peux te faire mal quand t'es gardien de prendre une balle dans la tronche. Bien sûr. Pas que ça. Tu imagines les gens qui perdent avec la volonté de mettre un but, même par des défenseurs, être blessé par des. Parce qu'à un moment, le gardien, enfin, on le retrouve souvent au sol avec des gens qui chutent le ballon au pied. Donc, c'est vraiment. Alors, j'ai une anecdote qui va confirmer ça. Quand j'étais petit, j'ai fait un foot avec dans mon quartier et mon jeune frère qui avait peut-être 8 ans, jouait en gardien. Il a arrêté un ballon avec ses poings et il s'est cassé le bras. En arrêtant le ballon avec ses poings. Ça, son bras s'est cassé, donc Mais c'est pas un contact direct. Double fracture, non, voilà. Juste la puissance du ballon. Double fracture. Après, le corps d'un athlète adulte, c'est différent. Mais ça rejoint un peu ce que je voulais dire à propos du risque, c'est que dans tous ces moments, parce qu'il y a beaucoup de nervosité à un moment quand ça se joue là, que c'est proche, il y a beaucoup de pression. Justement, bizarrement, parce qu'il y a certains gardiens allemands, par exemple, qui ont la réputation des mecs très durs, très solides, qui vont au conflit et qui en viennent le moment, parce que c'est vraiment une zone d'extrême tension. Quoi. Et de contact. Et le risque ne donne pas cette impression. Non, mais alors en revanche, puisqu'il a été. Sa qualité ou au contraire. Non, pas du tout, mais en revanche, comme il joue désormais en Angleterre, il joue à Tottenham, et le championnat anglais est très porté sur les centres dans la surface de réparation en hauteur, et c'est très important pour un gardien de but en Angleterre. D'être le patron de sa surface de réparation. Donc, c'est-à-dire quand le ballon arrive, d'aller au contact, chercher le ballon, et donc au risque de s'empâtrer des grosses armes. Et donc, le risque est obligé de faire ça lui aussi. Et il y parvient ? Oui, plutôt bien. Ouais. De toute façon, sinon il pourrait pas jouer. C'est la typicité du jeu anglais en fait. Hein, ça existe un peu plus. D'accord. Un peu plus là-bas, la dimension physique dans la surface de réparation. Donc, avec le gardien qui doit aller au charbon, comme on dit, dans le jargon. Ballon lyonnais, hein. Ouais, c'est ça, alors on va quand même vérifier à quel moment est le prochain but. Là, on est à 2-1 pour Lyon. C'est pas immérité d'après ce que le peu qu'on voit. Kamala, toi, est-ce que tu ressens que c'est un peu mérité pour eux? Moi, je suis vraiment pas en capacité du jeu. Très bien. Est-ce que tu trouves que les Blancs sont supérieurs, là, de ce que tu vois des. Je pas encore. Avoir une affirmation, ce serait une connerie, là. Et je le sens pas fort. Mais. J'ai l'impression que tout le monde connaît très bien son métier là-dedans. Quoi. Et ça, c'est pas mal. Alors, si je peux, un petit truc, Carmela, pour le micro, tu peux juste le coller sur un menton. D'accord. Et comme ça, il y aura un niveau parfaitement exact. On va entendre reflet aussi, non? Non, t'inquiète pas. C'est le technicien s'occupera d'enlever ces petits bruits au montage. Voilà, donc là, on voit une phase de jeu. Oui, Marseille récupère le ballon dans sa moitié du terrain et lance une contre-attaque. Contre-attaque marseillaise. Marseille sans Ribéry et Valbuena, pourquoi? Valbuena joue. Hein. Il joue. Alors, attends la composition des équipes. Oui, il y a Ribéry est déjà parti, je pense. Ribéry est déjà au Bayern 2009. De Munich. Ouais, il est déjà au Bayern de Munich, je pense. Hein. Ok, moi je. Ederson, pardon. Ederson, c'est un sacré joueur ça. J'ai oublié son existence. Voilà, il a le numéro 10 dans le dos. Ça, c'est un joueur lyonnais. Ah, on va revoir le but de Sidney Govou pour la cinquième fois, je pense. Ils aiment beaucoup ce but. Le réalisateur a apprécié. Et donc là, c'est avec une petite caméra placée dans l'angle du but à l'arrière. Et comme le ballon est arrivé très fort dans les filets, ça a fait remuer la caméra. C'est un effet assez, assez drôle. Puis assez agréable. Alors là, attaque de Lyon. Il se passe, c'est un centre lyonnais pour personne à récupération. Si, un nouveau centre. Oh. Et oh oui, hors-jeu. Donc c'est Govou qui est en position de hors-jeu. Voilà. signalé par l'arbitre de touche. Donc là, je te sens perplexe. Ouais, j'allais poser la question du hors-jeu, mais je sais que c'est une question compliquée. Alors non, non regarde, c'est interdisé par cette ligne. D'accord. Un joueur de, il faut qu'il y ait deux joueurs de l'équipe adverse entre toi et le but au moment où le ballon est tiré. Donc, ouais, c'est bien de le voir. Je sais pas si une explication radiophonique est très. Mais donc, si moi je tire un but et qu'il n'y a pas deux joueurs entre moi et le. C'est quelqu'un qui fait une passe. C'est quelqu'un qui fait l'origine, le moment de la passe en fait. D'accord. Parce qu'après, tu peux très bien être monté seul avec le ballon et n'avoir plus de défenseur entre défenseur adverse entre la cage et toi. Ouais. Mais là, il s'agit d'une passe faite vers l'avant. Et il faut pas à ce moment-là qu'avant que la passe soit commise, que toi tu sois déjà au-delà du dernier défenseur, des deux derniers défenseurs. Ouais, c'est ça. Alors les deux, ça implique le gardien plus un autre joueur. Ah d'accord. Et je sais pas exactement le truc, mais il me semble que la règle, ça permet d'éviter que des joueurs de l'équipe attaquante stagnent. Ouais. Voilà. Ah d'accord. J'ai une équipe très forte en défense qui laisse des attaquants en poste qui s'épuisent pas et qui récupèrent des ballons qui viennent de loin pour marquer simplement. Et c'est quelque chose d'assez difficile à arbitrer, je crois. C'est d'ailleurs quelque chose que qui est souvent pratique dans le foot assez tard, ouais. Je crois que les gamins jouent par exemple sans qu'il soit question d'arrêt du hors-jeu jusqu'à 13-14 ans, je pense. Parce que c'est compliqué à arbitrer d'une part, puis aussi c'est compliqué à comprendre pour les gamins. Tu vois, c'est des... oui. Et l'arbitre il fait comment pour voir tout ça en fait? Alors il bénéficie de deux assistants qui se trouvent sur les lignes de touche, ouais. Qui courent aussi le long des lignes de touche, qui suivent le ballon. D'accord. Et donc tu le vois là, tout au fond, là, t'entends, ils ont un petit drapeau. Et c'est eux qui. Une de leurs principales fonctions, c'est de juger les hors-jeux. Voilà. C'est même leur fonction principale. Enfin, on va dire que schématiquement, d'abord c'est les touches, puisqu'ils sont sur la ligne de touche pour pouvoir les en sortir. Puis après, c'est cette question de hors-jeu. Disons que ça va être lui quand même sur le hors-jeu qui va pratiquement avoir. Oui. Le jugement. Qui n'empêche pas l'arbitre. D'avoir le droit de veto final. Oui. Voilà. Et même de l'avoir sifflé ou signalé lui-même, puisque des fois c'est évident. Alors on voit quand même qu'en 2009-2010, les maillots sont affreux. C'est pas si vieux. Hein, ouais, alors on se disait récemment que les maillots de l'équipe de France, notamment, mais d'autres équipes sont pas si mal. C'est surtout qu'on se souvient que pour une fois, la France avait des bons équipements. Ouais. Parce que les Italiens ont toujours été exemplaires. C'est vrai. Tu dis ça parce que t'es pro italien. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours fait la différence au niveau de l'équipement. Alors oui. Alors, c'est-à-dire au niveau du confort des. Non, c'est plutôt. C'est là, en ce moment, c'est des maillots très, très moulants comme ça. Enfin. Ouais. Bien près du corps en ce moment, avec des petits cols, on dirait des plots. Ouais. Ça fait un peu vintage aussi, avec des couleurs. Là, pour la France en particulier, le bleu est assez beau cette fois-ci. Ouais. Alors que là, si on regarde le maillot de Marseille, pour faire une comparaison directe, c'est un bleu ciel assez moche. On peut dire ils sont amples aussi. Ils sont mal coupés. Amateurs. Il n'y a pas de col, ils portent des sacs bleus. Mais il y a toute la place qu'il faut pour les publicités. Hein. Ah oui. Pour mentionner 2-3 marques, je crois que c'est 9 Télécom, qui était sponsor de Marseille très longtemps, et qui avait amené aussi l'idée de faire jouer Marseille en rose, pas tout à fait en rose, mais il y avait, enfin, je crois qu'il y a eu, je crois que le 9 Télécom c'était plutôt, rose, il me semble. Je sais pas si Marseille joue plutôt que de jouer en blanc. Leur charte graphique était rose. Je crois qu'ils ont, je suis pas persuadé de ça, mais c'est ce qui s'est passé avec le Racing en rugby à Paris. Oui. Mais alors, Toulouse jouait en rose aussi au football. Peut-être. C'est pas des Vieman qui jouent en rose à un coup. Mais c'est ce qu'il disait sur le Racing. Ouais. Ça leur venait. Ça, faut comprendre aussi, ça revenait d'un sponsor, Eden Park, qui avait ce petit nœud papillon rose. Et qui, du coup, les faisait jouer en rose. Et c'est de là aussi qu'on connaît les polos roses assumés par les mêmes très virils, tu vois. Ouais, d'accord. Le rugby a vraiment joué avec ça à un moment. Et. Oui, parce que le rose, c'est la couleur des filles. Ouais, et le rugby, c'est quand même le sport des garçons. Même s'il y a vraiment un rugby très intéressant chez les femmes. Ah oui. Ouais, il y a vraiment. Enfin, ça se développe, ça existe depuis trop peu de temps, mais c'est un peu un autre sport aussi, mais c'est intéressant. Très bien, peut-être qu'à l'occasion, on commentera un match de rugby féminin, ce sera. Si on arrive à le trouver, parce que malheureusement, les sports féminins ne sont pas souvent. Retransmis à la télévision. Le match suit son cours, on est à la 24e minute. Toujours à 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, qui joue à la maison. C'est ça, au Stade Gerland, on a vu une de ces images de coupe qu'adorent les réalisateurs de football. On voyait tous les gens qui sautaient simultanément dans les tribunes à un moment, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah non, après un but pour la célébration. Même avant, en tout début de match. Avant, c'est parce que les Lyonnais, ils ont ce truc-là. qui ne saute pas n'est pas lyonnais. D'accord. Et ils font ça et ils chantent ce truc-là. Et lyonnais spécifiquement, parce qu'on l'entend quand même. C'est disons que c'est une de leurs marques de fabrique. D'accord, d'accord. Ça se fait ailleurs. C'est répandu depuis. Il y a des supporters violents, les lyonnais, comme toi du PSG ou... Pas plus. Enfin, ouais, c'est... Ils n'ont pas une réputation particulièrement violente. Ils ont une réputation de... Et genre, sur un match comme ça, il y a des supporters marseillais qui montent, qui viennent de Marseille. Bien sûr. Ouais. Alors les supporters marseillais qui sont à la fois réputés et qui sont effectivement les plus passionnés qu'on puisse connaître. Moi j'ai un souvenir très particulier. L'Anse Saint-Étienne quand même. Oui. Oui, oui. Alors moi je me souviens d'avoir été voir un Nantes-Marseille au stade de Nantes, dont j'ai oublié le nom. Et il y avait 80% du stade occupé par les Nantais et 20% du stade par les Marseillais qui faisaient trois fois plus de bruit que les Nantais. C'était, c'était assez sidérant, la capacité à faire du bruit de ces gens. Et on parle pas d'un public spécialement violent à Marseille. Avec les confrontations existent dans les coups du classico, enfin de... Ouais, des fois, et puis c'est des franges quand même, c'est des quelques centaines de hooligans, quoi. C'est ouais. Pas, c'est moi, je pensais que les hooligans, c'était que pour le PSG, en fait. Non, il ouais. Y en a, ouais. C'est... Alessandro, pardon, mais là, visiblement, Alessandro, il s'est passé pour lui, parce qu'il a l'air de... On discute, on regarde plus dans le match, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et alors, Alessandro, il vient d'où, lui? C'est un Argentin. Qui a joué longtemps à l'Olympique Lyonnais. Oui, qui avait un problème, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que le réalisateur attend que le blanc sorte du terrain et qu'il y ait une interruption du jeu pour montrer le ralenti de l'événement. Quoi. Visiblement, a sifflé une faute de Lisandro sur un joueur, mais j'ai rien vu. Enfin, ouais, tu pensais à autre chose, tu étais ailleurs. Quoi. Et donc, à propos des hooligans, il y en a partout, mais. C'est quand même peu de gens, quoi. D'accord. Enfin, sur l'ensemble. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait mal. Donc, interruption du jeu, quelqu'un plaint, Niang n'est pas content. C'est Mamadou Niang. Et là, Alessandro, il joue dans l'équipe d'Argentine ou pas cette année? Non. Non, je crois qu'il joue plus. Est-ce qu'il a joué à niveau international, enfin, en équipe, en sélection argentine? Oui. Je sais plus. Je sais plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une percussion entre deux joueurs lyonnais. Ah ouais. Et il y en a un qui s'est. Un joueur lyonnais qui en a blessé un autre. Gassama. Après, c'est dommage de s'en prendre à son propre camp. C'est ça. Et on voit une caméra aérienne, c'est ça? C'est un drone. Où ça? Qui survole le joueur blessé. Ah oui. Déjà un drone? Ben, visiblement. Ça doit être monté sur fil cette histoire, non? Non, non, non, là il a l'air d'être à quelques mètres au-dessus d'eux seulement. Ça peut... Ou à moins que oui. Attends, c'est fou là, oui, c'est suspendu. C'est un drone? C'est suspendu. En tout cas, c'est une caméra aérienne. Alors, ouais. est-ce qu'elle est... Sinon, il y aurait pas une hélice pour que ça reste en place comme ça. Non, non, à la vitesse à laquelle il remonte, pour moi, c'est un drone. C'est-à-dire qu'il y a une hélice comme un hélicoptère. Ouais, parce que... Aujourd'hui, on les voit beaucoup au Brésil. Ah oui, d'accord. Par exemple, à l'entame de match, la mise en jeu, souvent on est très près des joueurs et c'est pas une question de zoom, c'est une, l'engagement. C'est un drone hélicoptère en fait. Hein. Ouais, d'accord, je sais pas que. Et ça les fait pas chier les gens d'avoir un truc au-dessus. Non, mais il est jamais vraiment présent, tu vois, là on l'a vu parce que le joueur est blessé, la caméra est peut-être venue renseigner sur la gravité du. Donc ça sert à ça, ça joue pas à suivre l'action en direct. Non, mais ça fait des plans d'ensemble parfois, et tu peux les trouver au-dessus des cages s'il y a un litige, par exemple, parce que le ballon a franchi la ligne ou pas, parce que pour qu'un but soit validé, évidemment, il faut que le ballon soit au-delà de la ligne entre les poteaux. Et je crois que ces caméras peuvent servir à ça aussi. Je sais pas, ça paraît pas... Alors là, on a un bon exemple. Il y a Toulalan qui a dégagé le ballon dans les tribunes, très très loin. Et dans la seconde qui a suivi, le joueur pouvait lancer une touche. Ah, d'ailleurs, il y avait deux ballons. C'est ce qui se passe souvent, en fait. Ouais, parce qu'on réintroduit un ballon neuf. Voilà. Et il suffit que deux personnes aient la même idée au même moment. Et... Voilà. Et c'est la confusion la plus totale. Donc, t'en parlais tout à l'heure, Stéphane. À l'origine, c'était plutôt les gamins qui jouaient. Il me semble me souvenir de ça. Après, ça commence à dater. Je sais qu'au niveau amateur, moi je le voyais dans le rugby, effectivement, c'était des fois les gamins allaient chercher le ballon qui était tombé dans le ravin ou quoi. Ouais, c'était loin. Et voilà, effectivement, ça a entraîné des interruptions du jeu assez longues. Est-ce qu'on voit Benzema ici? Alors, on voyait Gauthals en tout cas. Raymond Gauthals. Gauthals qui n'était pas décédé encore en 2009. Ben, je crois pas, parce qu'on l'a vu. Ah ouais. Est-ce que c'était pas un hologramme de Gauthals la... Ou un sosie. Il a marqué son temps peut-être à Marseille. Peut-être un sosie. Benzema, je ne sais pas. Il semble avoir vu Benzema derrière, là, dans les gradins, peut-être blessé. Ah oui, d'accord. Et Benzema était marseillais, hein? Non, non, lyonnais. Non. Lyonnais. Ah, lyonnais. D'accord, pardon. À cette époque, Lyon ou Benzema, Ben Arfa, qui sont les deux grands espoirs du football français. Encore maintenant? Alors Benzema a plus ou moins concrétisé, il joue au Real Madrid, une des plus grandes équipes championnes d'Europe, et c'est un peu le leader technique de l'équipe de France. Quant à Ben Arfa, il s'est un peu perdu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sa carrière, c'était un peu embourbé. Et là, il y a faute quand même, quand ils s'attrapent le corps comme ça et qu'ils se tiennent. Alors, c'est une zone d'ombre. Ouais, c'est un peu difficile. D'accord. S'il ne lui a pas vraiment agrippé le t-shirt, imaginons s'il ne l'a pas tiré vers le sol. On traverse quand même une grande période sans but. Oui. Mais c'est pas dénué d'action. Pour un match où il y a 5-5, c'est tout de même rare. C'est dire à quel point ils vont s'enchaîner en seconde mi-temps. C'est dire quand il y a un 0-0, c'est une sacrée période sans but. Dites-toi qu'il y a des matchs de 0-0. Il y en a pas mal. Bah, par exemple, pas plus tard qu'hier, la Belgique a marqué 80 et quelques minutes. Pardon. Non, mais c'est bien, on parle tous ensemble. Ça arrive des fois dans les commentaires de football, non? Où les gens se coupent. Non, ils savent gérer ça dans les commentaires de football, ne pas se couper la parole. Hier, qui est-ce qui a... C'est la Belgique qui a marqué à 81. C'est Lissandro, pardon, hein, qui vient de... Ah non, c'est pas Lissandro. Je sais pas quel joueur, on dirait Gignac, mais ça peut pas être lui. C'est dans ces moments-là que t'es content de regarder le match dans un bar, parce que tu peux quand même discuter et boire de bière pendant que le match est ennuyé. Là, le gros avantage ici, c'est qu'on a choisi un match qui allait pas être ennuyeux, forcément. Quoi. Et ça existe, les supporters qui se prennent des ballons dans la figure ou pas? Non. Ah ouais, enfin, ballon perdu, mais c'est jamais vraiment... C'est jamais violent. Ouais. Non. Il doit bien avoir quelques... J'avais envie de poser cette question compte depuis le début, mais je n'osais pas... Non, mais je comprends pas. Moi, je me pose beaucoup la question avec le tennis, par exemple. Moi, je suis incapable de remettre une balle dans une zone, et je me dis, avec la force de ces joueurs-là, des fois, ils sont vraiment pas loin. Ça... Oula, on voit un pied haut, là, c'est normalement... Pas d'avoir un pied dans la tête. Ouais. Mais alors, j'ai pas eu l'impression que ce joueur soit tombé, en fait. Non, c'en est un autre qui a l'air d'aller mal. Bon, après, c'est typique des footballeurs, là, de faire toute une comédie en se roulant par terre. Et puis tout à coup ça va mieux. Il y a une espèce de dramaturgie obligatoire. Enfin, on dit pas dramaturgie. À la fois, je crois que ça fait très mal non, d'avoir leur truc. Parfois, il y a quand même des. Ouais, ils peuvent se faire très mal. Il y a des graves blessures dans le football. Mais disons que. C'est pas du cinéma là, de bien souvent, bien souvent. Et puis surtout dans la théâtralité du truc, quoi. Des fois, quand t'as très mal, t'es pas à te rouler par terre en faisant des grands gestes. Pendant la c'est intéressant de récupérer un coup franc parfois ou un penalty. Ah, bah oui. C'est entendu comme faisant partie du jeu vraiment. Oui. Puisque parfois, c'est. Il y a une certaine tolérance, je veux dire, à condition que ce soit pas complètement du mensonge. Mais oui, voilà, c'est ça. Même c'est totalement accepté. Un geste technique, tu sais pas si tu l'as perçu là ? Non ? Une petite roulette, quoi. C'est accepté, mais est-ce que c'est travaillé par exemple ? Parce que je pense que... Non, j'ai plutôt l'impression que c'est une espèce de. De tradition. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on ferait pas une session, je veux dire, pour optimiser tout, puisque évidemment tout est très calculé en fait, dans la construction d'une équipe, dans le. Non, parce que c'est, là encore, c'est ce genre de pratiques qui sont développées au long de toute une vie, quoi. Si tu commences le football à 6, 7, 8 ans, ça fait 10 ans que tu as eu l'occasion de pratiquer ce genre de chute théâtralisée. Ouais, d'accord. Mais quand tu as 7, 8 ans et que tu joues au Bois de Vincennes, tu fais pas une chute théâtralisée Ça existe quand même un peu. Ah ouais un peu, mais en tout cas, tu as vraiment le temps de développer ça au fil du temps. Non, parce que ce serait rigolo de savoir hein, qu'une telle équipe a une fois par semaine, le temps d'une heure, une session blessure, tu vois, roulade et complainte. Alors, ça, c'est Gomis, hein, c'est un joueur particulier. C'est les mecs sur le banc. Puisque, ouais, pour moi, il jouait pas à Lyon. Il fait le regard caméra de fou. Ouais, il jouait à Saint-Etienne, Gomis. Il l'a joué à Saint-Etienne. Peut-être maintenant il joue à Saint-Etienne, mais il ah, d'accord, voilà. Parce que je sais qu'il y a quand même un derby important entre Lyon et Saint-Etienne, qui sont deux villes géographiquement proches, oui, une espèce de rivalité. On est proche à Gomis, et moi je pensais que c'était d'avoir fait le contraire, d'être parti de Saint-Etienne pour venir à Lyon, et c'est plutôt le contraire. Voilà. Et c'est un Français ? Français, bien sûr, et il a été justement. Il faisait partie de l'équipe de France en 2010. Ah oui. Ah, ouais. Alors la Coupe du Monde. Et là, on voit. Donc dans les annonces publicitaires du bord, là, les questions de FIFA 2010, et forcément c'est annonciateur de l'événement Coupe du Monde. Et l'affaire de la grève, c'était en 2010 ou c'était en 2012 la grève des footballeurs? C'est 2010. 2010. Je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Tu sais la grève de l'équipe de France, les joueurs qui sont pas descendus du bus. Ça c'est 2010. Le bus de qui en était lui du coup? Afrique du Sud. Oui, il faisait partie de ce collectif, mais c'est pas celui qu'on... Il est pas... On se rappelle pas de lui pour ça. Pas spécialement. D'accord. Non, c'était surtout des joueurs comme Ribéry... Evra. David Evra. Patrice Evra. Et... Oh là là, il y a une faute manifeste d'un joueur lyonnais qui vient de mettre la semelle. Anelka aussi, qui faisait partie de ce collectif. Alors, Anelka était la source du problème. Ouais. Et Anelka, il joue toujours? Oui. Alors, je sais plus où il est. Non, maintenant, il doit être en Chine. Je sais plus. Ouais. Parce qu'il a eu ce problème là, récemment d'avoir soutenu plus ou moins Dieudonné dans un club financement russe, donc en Angleterre, je crois. Non, il a fait. Alors, donc, avait fait une quenelle en soutien à Dieudonné à l'époque de l'affaire Dieudonné. Enfin, l'affaire Dieudonné. C'est celle qui a commencé il y a 10 ans et qui finit dans 15 ou 20 ans. Et le club avait rien dit, mais le sponsor principal. Alors moi j'ai lu ça dans des médias anglais, chez qui la parole est différente. Enfin, en Angleterre, la parole sur ces questions-là est différente de ce qui se passe en France. Mmh. Ça peut paraître agressif de dire ça comme ça sur un média français, mais ce que j'ai lu dans un média tout à fait normal, c'est que le sponsor principal de cette équipe-là est détenu par des Juifs et qu'ils n'ont pas du tout apprécié ce geste et ils ont demandé au club de punir un écart. Voilà, c'est ce que j'avais lu dans le média. Je crois qu'il avait peut-être forcé à faire des excuses publiques. Oui, voilà. Est-ce que lui n'avait pas accepté de faire quelque chose comme ça aussi? Quelqu'un qui s'est excusé un peu publiquement quand même. Il me semble qu'il y a des trucs comme ça, mais. Mais je crois que finalement ils l'ont pas gardé un truc comme ça. Mais ouais, je suis assez convaincu qu'il a été en Chine, mais. Ah, c'est bon. Alors si. Donc, je sais pas si c'est depuis peu de temps, parce que cette histoire, pas 3 mois quoi, c'est pas. Oh si, ça fait 3 mois ça, ou ça fait peut-être 6 mois. Tu l'as donné ? Non, okay. Ouais, c'est... Ça, je crois que c'est cet automne. Hein. Ouais, voilà. Ouais. 6 mois quoi, c'est ça ? Oh, ok, mais c'est pas. Ouais. C'est dans l'hiver, on va dire. Automne-hiver. Ouais. Ouais, c'était une de ces histoires qui va remplacer une autre histoire. Ah, là, on voit Brandao. Qui sera remplacé par une autre histoire. C'est ça, hein, Brandao, joueur brésilien. Évolue à Marseille. Hein. Tu connais Brandao, tu as une anecdote sur Brandao toi? Bah Brandao, bah, il... Non, je me trompe. Je crois qu'il a été accusé de viol et puis... Ah oui, oui. C'est quoi cette histoire? Je sais plus quelle histoire exactement, je connais assez peu le foot et tout ça, mais le mec a violé, ou alors en tout cas il est accusé de viol au Brésil. Mais il était en France parce qu'il jouait en France, il a fini par obtenir la nationalité française. Bon, tu te rappelles pas d'un moment où Brandao retournait au Brésil parce qu'il avait des problèmes, je connais plus bien l'histoire. Et il est aussi connu parce que c'est ce joueur qui avait dit j'ai pas touché, en parlant d'un joueur sur lequel il avait commis une faute, mais en plus qui était évidente, il se retournait vers l'arbitre, il faisait j'ai pas touché ou quelque chose comme ça. C'est très drôle parce que c'était aussi le moment où il était inculpé. Il l'avait pas touché non plus. Il l'avait pas touché, soi-disant. Autre chose quoi. Une mineure là-bas au Brésil. C'est un drôle de mec. Enfin, imaginez que c'est des gens qui sont quasiment millionnaires par mois, donc qui ont des vies qu'on a du mal à se figurer, donc ça peut être n'importe quoi. Il y en a un qui porte des gants, c'est étrange ça, non? Ils ont des manches courtes et l'un d'entre eux porte des gants. Si c'est le 18e match de la saison, ça peut être en plein hiver, non? Je sais pas trop, ouais. Ça peut tomber là. Il y en a plusieurs qui portent des gants, ouais, en effet. Oui. Ah, une action. Une action là, de l'OM. Oh là là, hors-jeu. Il est toujours à 2-1. Tu l'as repéré vite, les hors-jeux. Quand on sait qu'il va y avoir 7 buts en deuxième mi-temps, ça donne envie d'y être. Hein. C'est un truc de spectateur de foot de faire ce genre de commentaires. Oh, hors-jeu, oh, faute, oh non. Ah, hors-jeu, non. Je sais pas si tu vois le rythme des banderoles publicitaires, c'est complètement effrayant. Hein. Mais ça va beaucoup trop vite. Hein. Ouais, ouais. On comprend rien, c'est extrêmement chargé. Puis c'est des marques, franchement, que je connais pas, à part Big Matt. Ça clignote de partout. Loris qui est sorti de la surface, hein. Ouais, Loris quand même, non? Bien joué, hein. Ouais. Il savait que s'il faisait pas ça, mais est-ce qu'on trouvait quand le gardien sort de sa surface, il a plus le droit d'utiliser ses mains. Je crois que c'est impossible de deviner ce qui se passe sur le terrain en nous écoutant, quoi. Ah, si, je pense. Tu penses? Non, beaucoup, mais, on est toujours là. Ouais. Enfin, est-ce que c'est le sens de la discussion au moins, moi je reviens souvent sur le score, pour l'instant ça n'a pas bougé. Non, c'est quand même tout ce que les gens veulent savoir, il me semble. Oui, 40 minutes. Voilà. Et puis on savait qu'on rentrait dans un tunnel sans but pendant une bonne 25 minutes. Ah ouais, ma troisième question conne, c'est il y a des lignes vert plus claires et plus foncées sur le gazon. C'est la manière de tondre. C'est l'aller-retour. Ouais. C'est en fait le métier de mon papa aussi. J'ai vu toute mon enfance. Tu tondes dans un sens, tu reviens dans l'autre. Ouais. Quoi. Ouais. Et lui avait fait des cercles, des spirales, des choses comme ça. Un sens, puis l'autre. Tu peux avoir un impact créatif sur la. Ah ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui se passe sur le pantalon velours quand tu le caresses, comme ça, tu fais tes motifs. Donc le poil est brossé dans un sens ou dans l'autre et tu le retrouves sur toi. Et c'était fait rabreux Non, il avait d'ailleurs très bien fait. On doit avoir des photos à la maison, c'est très très beau. Mais c'est un truc que tu vois que depuis une certaine hauteur. Il faut être assez haut pour le voir, non? Sur le terrain, tu le vois pas, mais tu peux le sentir. Mais à partir de 10 mètres. Ouais, c'était un peu hauteur. Ça se voit quand même. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'à Saint-Claude, il y a des tribunes assez hautes pour voir ça. Ah non, mais non, quand je dis 10 mètres, même au niveau du terrain, tu 10 mètres, tu devines un dessin, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et c'est sûr que si, voilà, tu montes à 3 ou 4 mètres pour les gradins. Là, tu vois vraiment. Et en plus, oui, il y a quand même des tribunes un petit peu hautes. On se monte pas au-delà de 10 mètres, mais qu'on voyait tout le. Et puis aussi le terrain est dans une cuvette en fait. Quand tu arrives dans le stade, tu arrives. Ah oui. Tu descends dans le stade. Donc tu voyais cette spirale de loin, c'est assez. Ça devait être un peu émouvant. C'est assez beau, ouais. Il y a eu un article dans. Enfin, pas un article, mais ça avait été soumis dans le Midi Olympique, puisque c'est le journal de rugby. Et là-bas, à Saint-Claude, on pratique le rugby. Et là, c'est même quadrillé en fait. Ça peut donner cette impression-là. C'est ce qu'on voyait beaucoup en Angleterre, mais des fois ça l'est. Hein. Ah oui. En Angleterre, justement, le souvenir que j'ai, c'était des terrains comme ça. Ah oui, là, en effet, tu as raison. Ce qui n'est pas du tout une obligation, tu comprends, qu'on pourrait même faire n'importe quoi. Tu pourrais. C'est juste que ce sont des gens donnés qui font ce travail. Ce qui se passe, c'est que tu tombes. Enfin, je pense que quand tu fais, quand tu fais la moissonneuse-batteuse, se comporte de la même manière que sur un champ en fait. Là, il y a un joueur qui a. J'aurais quand même voulu revenir sur une question, c'est que est-ce que ça se discute, c'est censé être une émission sur le débat. Et là, le commentaire de football, est-ce que c'est du débat? Est-ce que en se donnant la contrainte cette fois-ci de commentaire match de football, on est dans le cadre de l'émission ou est-ce que quelque part on. Bah, je me dis que peut-être qu'on est à la recherche d'une matière à discuter. Tu vois, par exemple. Matière à discussion. Ouais. Puisque. Un fait à discuter, je veux dire, ouais. C'était une faute, bon, toi tu avais une faute, moi. Enfin, ça peut exister dans le. Oui, oui, puis même. Du football, je veux. Dans le fait d'avoir pris un match qui est déjà passé, on est plus dans l'aventure et dans le suspense en se disant. On est plutôt dans un processus où on va débattre de comment ça s'est passé. Enfin, on a déjà matière à débattre avec un match qui est fini plutôt qu'être dans une matière de témoin et de retranscription avec un truc qui est en train de se dérouler. Ouais, mais est-ce que c'est débattre ou est-ce que c'est commenter, tu vois, si c'est. Mais je pense que c'est quoi, c'était Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, les commentateurs. Vedette. Ouais. Ah, et c'est le but. Et oui. Ouh là là, Lloris, la petite faute de main. Ça a dû lui être reproché. C'est-à-dire qu'il a. Bah là, il pouvait arrêter le ballon. Il y avait un tir qui lui arrivait dans les mains. Pof. Il l'a laissé rentrer, quoi. Mais on peut dire d'un match de foot, ça aurait pu se passer autrement. Ah, ouh. Tu vois, genre, on peut dire dans une dispute entre deux personnes, ça aurait pu se passer autrement si à un moment il a décidé de. Ah non, on peut concéder sur ce qu'on entend souvent, en fait, c'est oui, c'est l'arbitre, vas-y, fais ça, t'inquiète pas. Okay. Mais aussi, bien sûr, on va reprocher à un joueur un peu inattentif ou quoi. De. La faute de main, là, c'est quand même incroyable. Pardon, la faute de main, c'est qu'il a fait une claquette. Regardez, bah, regardez, hop, si le ballon arrive, paf, je l'ai. Ah, non, c'est pas vrai. La faute de main, c'est-à-dire qu'il relâche le ballon, en fait. Bah, ouais, et bon, le ballon arrive vite, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, mais. Il va être dégoûté. Un ballon un peu humide aussi. Ah putain, il essaye de la rattraper en plus. Ouais, dans un geste un peu quittonien. Eh bien, 2-2. Les compteurs sont remis à zéro quelque part. Ça aurait pu se passer autrement. On va tous faire la mi-temps. Il y a une minute d'arrêt de jeu. Je veux dire, Alors, ça va être la mi-temps. On va accélérer pendant la mi-temps. Ouais, je pense. Je sais pas s'il y aura les publicités. Sur YouTube, ils ont coupé pendant la mi-temps quand même. Non, mais on sait pas parce que le temps de vidéo sur YouTube est de 1h42. C'est beaucoup plus long qu'un match en fait. Un match c'est 90 minutes. Et on peut avancer directement sur les. Ouais, alors là, sachant que là, il n'y a plus de but avant la mi-temps, hein, si je me trompe pas. À mon avis, il n'y a pas de pub puisqu'on avait au moins 6 minutes avant le match de présentation. Si tu calcules bien, à 90 minutes, on est à 1h20. 90 minutes On est à 1h30. Ah oui, voilà. On est à 1h42. Très bien. Ouais. Je pense qu'on a. Ok, ouais, c'est pas la mi-temps. C'est 12 minutes là. On n'aura pas 15 pauses de mi-temps. Très bien. Il faut savoir que les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent aussi. Hein. Tu crois que c'est quelque chose que les gens ne savent pas? Non, je l'explique à Carmela. Ouais. Même Carmela, c'est ça. Enfin, pas Carmela en particulier, même une personne ne s'intéresse pas. Des niveaux de jeu. Oui. Genre, si tu joues en. C'est quoi c'est. Première division. Quand tu joues en première division, t'es important ou t'es pas important? T'es plus important. Tu as déjà bien ta vie avec ta pratique, ouais. Ah, d'accord. Et attends, ça, quoi. Première division, deuxième division, troisième. Ouais, je connais pas grand chose, mais ça me tonnerait qu'un joueur de première division, quel qu'il soit, gagne moins de 20 000 euros. D'accord. Par mois? Oui, tu vois, le joueur que tu connais pas, les stars, ils gagnent 2 millions, vraiment quoi. Ah ouais? Il y a une moyenne, okay. Et ça, c'est un budget municipal, quoi. C'est, non. C'est un budget régional. De club. Parce qu'une ville peut avoir deux ou trois clubs, une société peut avoir un club. Enfin, c'est exactement ce qui se passe là. Hein. D'accord. Un mec fortuné peut avoir un club, en fait. Oui. Après, alors, je crois qu'il y a des subventions ou des subventions des tournées sous la forme de création d'un stade. Oui, c'est toujours important pour une ville d'avoir son bon club, donc il y a des ententes. Mais quelqu'un qui arrive avec les fonds suffisants. À Montpellier, par exemple, où il y a déjà une équipe de foot, il peut très bien monter, créer son club et espérer jouer en Ligue 1. Alors, je sais pas. Oui, ou comme là, le PSG a été racheté par des Qataris, ils ont investi des millions là-dedans. c'est Paris, mais ça, c'est géré par une entreprise pratiquement, quoi. D'accord. Et quand l'équipe de France refuse de jouer, c'est parce qu'ils se plaignent de leur salaire. C'est des motivations. En l'occurrence, c'était pas ça. C'était parce qu'un joueur avait été en conflit avec l'entraîneur et il avait été renvoyé. Et l'autre joueur, dans un élan de rébellion, de solidarité avec Anelka, avait fait grève, quelque chose. Mais c'est un troisième but pour l'OM. Troisième but. On est déjà en deuxième mi-temps, en fait. Hein. Ah voilà. Oui, puisqu'on a changé de côté. Oui, cet épisode-là qu'évoquait Carabella sur la grève, c'était un épisode un peu touchant. Moi, j'ai trouvé que des joueurs de football fassent grève comme ça. C'était pas salarial, quoi. Mais c'était quand même une revendication par rapport au pouvoir qui est au-dessus d'eux, quoi. C'était un drôle de truc. Ah oui, c'était ce sélectionneur dont vous m'aviez parlé qui était pas. Ouais. Qui était pas très bon. C'était Raymond Domenech, mais. Ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui suit pas du tout le football, qui s'y intéresse pas et pour qui ça n'a pas du tout d'importance, comme toi, est-ce que Raymond Domenech, c'est quelqu'un dont tu as entendu parler? Tu sais qui c'est? J'ai entendu son nom souvent, ouais. Ouais, voilà. Mais par contre, je sais pas qui c'est. C'était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui s'est fait connaître notamment pour. Par exemple, il utilisait l'astrologie pour sélectionner certains joueurs. C'est marrant. c'est drôle. Et puis, Donc ça n'a pas très bien marché. Non. C'est pas une caméra dans ce cas-là. Quoi. Ou alors parce que Jacques Chirac, il allait voir, il les avait. Non, c'était ça, je crois que. Mitterrand. Ah, c'était Mitterrand qui avait vu par Ron Chastro. Ouais. Mais peut-être Chirac aussi. Hein. Et Domenech avait aussi, au soir de l'élimination de la Coupe du Monde, je crois, il avait demandé sa fiancée en mariage. Donc il dit tiens, on va te faire éliminer la Coupe du Monde, je te demande un mariage à la télévision. Plutôt que de répondre à des questions qu'on lui posait sur l'élimination du groupe, quoi. Parce que, c'est odieux. C'est surtout qu'il avait pété un plomb, je pense. Enfin, ah ouais, ouais, il était complètement. Il est devenu quoi? Je crois qu'il est maintenant, il écrit des articles dans la presse, il est commentateur du foot, quoi. Il a quand même. La question, table et micro ouvert sur certains médias, quoi. Qu'allez-vous faire ensuite? Il a dit j'allais jouer au poker quand même. Ah ouais, voilà, ouais. Si on prend ces mots, sa reconversion c'était ça, quoi. Mais attends, un joueur de foot c'est payé au ballon 2 millions par mois et donc du coup un sélectionneur. Non, mais là c'est un autre cadre aussi. C'est moins, mais c'est bien payé. Enfin, je pense qu'ils ont bien payé. Mais c'est pas dans ces ordres-là, par contre. Non. Puis là c'est l'équipe de France, c'est pas un club. Oui, là c'est un entraîneur, c'est pas un boulot à plein temps toute l'année. Enfin, si, mais c'est pas la même chose, quoi. Ils ont pas. Un match toutes les semaines, deux ou trois. Ils ont un match tous les cinq mois, tous les deux, trois mois. Et après, il y a des périodes intenses comme les championnats et tout ça. Enfin, les Coupes du Monde, les championnats d'Europe. Mais les stars, c'est les joueurs, quoi. FIFA 10, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Mais est-ce que ça veut dire FIFA 2010? Oui, assurément. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est marqué dans l'animation. Est-ce et vous jouez quoi, 10, avec des jeux de football sur vidéo? Enfin, vous l'avez déjà fait des jeux vidéo? Moi j'en ai jamais fait. Toi, Baptiste, t'en as déjà fait? Oh, une moitié de partie comme ça, je pense. Et tu dois garder tes fonctions d'attaquant, de défenseur? En fait, c'est un peu comme tu gères tous tes joueurs si tu veux. Tu vas à un moment être un attaquant, un moment mettre le gardien. Ah, c'est Football Manager. Ah, d'accord. En fait, c'est-à-dire que si ton équipe récupère la balle, mais que c'est plutôt l'ordinateur que toi qui l'a provoqué, après tu deviens joueur là, si tu le veux. Enfin, je sais pas exactement quand ça se passe, mais t'es aussi quelque part le joueur, parce que c'est toi qui décides de gestion de ton équipe. C'est toi qui Et si t'es nul, ton équipe elle te porte quand même ou... Non. Je crois que si tu fais rien, ça joue quand même un peu. Mais ça va peut-être pas au but ou quoi, mais si tu. Je sais pas, c'est tout à fait étonnant concept. Hein. Oui. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que les joueurs de foot eux-mêmes jouent beaucoup à ces trucs-là. Ah ouais. Donc ils jouent au foot et en plus ils jouent au jeu de foot. Et ils jouent au baby foot. Tu les croiseras peut-être en centrale. On approche de l'heure d'émission. Ouais. On est à 55 minutes. 58 minutes. Non, nous dans notre enregistrement. Ah oui, d'accord. On est à 58 minutes de jeu et 55 minutes d'enregistrement. D'accord, on va voir les buts ou est-ce que. Je sais pas. Ils n'ont pas tellement commenté. Non, c'est vrai, je pense qu'on peut laisser. Oui, on va laisser le truc se faire. De toute façon, on connaît l'issue du match, 5-5. Mm. On sait que c'est exceptionnel. Ouais, ouais. De marquer 5 buts, d'encaisser 5 buts pour deux équipes. On aura vu ce ralenti là 7 ou 8 fois, celui que nous voyons en ce moment. J'insiste sur ce point, j'ai pas tellement l'impression qu'on a débattu. Je trouve qu'on a discuté, comme un peu bistrot. Ouais, À la fin, ce qui me concerne, ça aurait été prétentieux de débattre parce que j'avais vraiment très peu d'outils. C'est vrai. On a un pur sujet assez grave, ou c'est ça que tu veux dire enfin, de... Hors sujet par rapport au projet d'émission. Bah, disons que je me demandais aussi l'intérêt que ça pouvait avoir. Enfin, à posteriori, là maintenant, au bout d'une heure, je me dis bon, quel intérêt ça peut avoir de effectivement commenter un match de foot en dehors du fait que ça raccroche un peu à l'actualité de la Coupe du Monde. Ça peut être intéressant à partir du moment où tu discutes de qu'est-ce que c'est faire un commentaire de match de foot, qu'est-ce qui se joue dans le foot. En tant que système économique, en tant que système symbolique. On y allait un petit peu pauvrement et sans beaucoup de connaissances aussi. Donc, c'est vrai. Ouais. Après, tu avais peut-être une idée sur... Non, pas du tout. C'est plutôt du questionnement. Hein. C'est pas tellement... Je propose pas une conclusion ou une direction. Je fais part du questionnement qui m'habite. Bel arrêt de Lloris au passage. Bah moi je trouve pas. Ah oui, j'ai compris ce que tu voulais. Oui, d'accord. Ouais, non, c'est pas un bel arrêt. C'est pas... moi je trouve que la manière dont il s'est détendu très rapidement sur son côté droit, sur une balle au sol, on peut qualifier ça de bel arrêt. Ouais. Je trouve que vu la manière dont on regarde les autres, je suis pas sûr que ce soit un bel arrêt. Oula, mais là, ça c'est pas une belle faute, ce qu'on vient de voir. C'est pas une belle faute. C'est peut-être une belle faute, mais c'est aussi une belle roulade. C'est vrai. Que disait le commentateur belge? La pieuvre des pois, c'est la pieuvre, notre pois, c'est tentacule. Notre pieuvre, c'est un. Ouais, des pois, c'est. En parlant du gardien de but belge. Ouais. Oui, c'est ça qu'on a remarqué sur les commentaires footballistiques ici en Belgique, c'est qu'il n'y a qu'un seul commentateur et Carmel faisait remarquer qu'il avait sans doute préparé des petites expressions à placer tout au long du match. Mais en fait, des petites phrases poétiques. C'est des redites parce qu'hier il a encore parlé de. Le Pierre qui s'est dévoilé. Pour parler de leur gardien qui s'appelle Courtois. Thibaut Courtois. Qui joue lui en Angleterre. Il appartient à Chelsea. Non, il appartient à Chelsea et il joue dans je ne sais plus quel club espagnol. D'accord. Real Sociedad peut-être ou Atlético. Ah oui, le PSG, c'est Sirigu. Parce que les Diables Rouges, ils jouent dans d'autres équipes aussi. Oui, les Diables Rouges, c'est comme des équipes de France, mais c'est l'équipe de Belgique. Et après, ils jouent chacun en club. Et aucun joue évolue dans le championnat belge. Oui, ouais, voilà. Et l'employeur des joueurs, c'est leur club. Donc si tel joueur joue au PSG, c'est son employeur qui le paye. Et l'équipe de France, c'est des bonus, quelque part. D'accord. Et alors, sur la période où ils vont jouer, par exemple, la Coupe du Monde en 2014, ils regroupent tous les joueurs des Diables Rouges un an avant, ils les font entraîner ensemble un an avant, ou les mecs se retrouvent la veille au soir de partir et... Mais en fait, souvent, ces gens se voient assez peu, ils jouent souvent peu... Ils jouent de temps en temps ensemble. Ouais. Et quand ils jouent ensemble, ils ont besoin d'un entraînement de groupe pour apprendre à se connaître les uns les autres. Oui, quand même. Voilà, et avant chaque match, ils sont ensemble pendant quelques jours, ou pendant la Coupe du Monde, quelques semaines. Mais c'est toute la complexité des équipes nationales, effectivement. Ce qui était intéressant pour les Espagnols, par exemple, il y avait vraiment un groupe de joueurs qui se connaissaient en club. Des joueurs espagnols qui évoluaient à Barcelone, je pense. Oui, voilà, il y avait. Pendant très longtemps, l'équipe d'Espagne était constituée de 8 joueurs qui venaient de Barcelone, donc ils étaient habitués à jouer ensemble tout le temps. Donc là, ils avaient un gros avantage. Ils se sont fait défoncer, les Espagnols, là. Là, oui. Voilà. Ouais. Mais moi, je pensais à une chose, parce que quand c'est passé. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, donc pour les Français, avec l'histoire de grève ou quoi. Oui. On a aussi vu des mecs un peu couillons qui protestaient comme ça, mais qui n'avaient vraiment pas une grande habitude de la rébellion ou de la revendication, en fait. Oui. Et pour moi, je les ai quand même perçus comme des mecs. Enfin, ça m'a un petit peu agacé. Je me suis dit, ben tiens, c'est pas grave, de toute façon, ça fait que confirmer ce que je pensais à peu près d'eux, parce que j'avais entendu Evra ou Ribéry, ou pas Gomis, mais il y avait d'autres joueurs comme ça, ces gens-là ne m'intéressaient pas. Et je me disais, ben, c'était peut-être une occasion aussi, ça aurait été osé, mais de constituer une équipe nationale, professionnelle, entre guillemets, en allant chercher des joueurs français de très bon niveau. Peut-être des mecs de D2, peut-être des mecs de CFA ou des mecs de Ligue 1 qui acceptent, je sais pas moi, de vivre pour leur équipe de foot. C'était pas envisageable, ça, par exemple. Je suis pas sûr de comprendre. Qui ne joue pas en club, mais qui joue pour l'équipe nationale, et que du coup, il y a une unicité comme ça, et puis une particularité. Il me semblait que c'était un. Oui, je veux dire. Bien sûr, il n'y a plus de stars, donc j'imagine au niveau des partenariats, ça devait poser des milliers de questions. Mais ce serait ni plus ni moins qu'une révolution, et je suis pas certain que le football aujourd'hui soit prêt à une révolution. Mais dans un cas comme ça, aussi particulier, moi, j'aurais vachement apprécié qu'au moins l'idée soit évoquée ou quoi. De revoir un peu ce truc-là, puisque systématiquement on voyait ces têtes, ces joueurs. En plus, c'est dommage, mais c'est dommage de penser comme ça, mais on voyait surtout des millionnaires sur le terrain n'en faire qu'à leur tête, surtout pas s'investir complètement dans le projet d'équipe nationale, puisque ça ne leur apporte pas beaucoup d'argent. C'est aussi basique que ça, des fois. Oui, après, ça, c'est tout. Mille fois, mais oui, quand même. Bien sûr, en fait, ça, tu prenais des mecs motivés, je sais pas, moi, je pense que chez les Soviétiques, ça se passait sûrement plus comme ça. Enfin, il y avait quand même une idée du. L'équipe nationale ou quoi, enfin je dis ça, je suis patriote, okay, je m'en fous complètement aussi, mais peut-être c'était le cas de les foutre à la cave, ces mecs-là, parce que moi je m'en foutais, moi que Ribéry brille encore une fois quelque part, c'est un mec qui n'apporte rien à ma vie, qui n'existe pas du tout, et que je conchis la plupart du temps, enfin quand je le vois, c'est au zapping, à moi il ne m'apporte rien, après je comprends qu'il existe dans la société, que c'est peut-être un élément, enfin c'est peut-être un stimulateur de masse, enfin je sais pas quoi, mais ça, moi ça ne me concerne pas, c'est ça qui me. Eh bien je pense que tu peux peut-être envoyer une proposition à la fédération. Non. Non, mais je disais, c'est. À part ça, ça a déjà dû être fait, ça. Dans ce genre de proposition ouais, oui, ils doivent recevoir des propositions un peu. Non, puis ce type d'équipe, tu vois, ce serait que plus noble, en fait. Hein. Mais les sélectionneurs, ils les sélectionnent en fonction de leur qualité de joueur, mais aussi en fonction de l'image qu'ils ont, non. Oui, bien sûr, c'est. Il y a un truc. Même aussi de leur capacité à vivre dans un groupe. Oui, ces choses-là. C'est de leur performance à ce moment-là aussi, parce que c'est ça aussi la sélection, c'est que les joueurs sont sélectionnés à un moment de leur carrière, pas à un autre. Une photographie du temps. Mais par contre, oui, parce qu'ils font, par exemple, une. Ils ont une raison une pour les Français de ne pas mettre Benzema qui commence à jouer bien en club, alors que les Français n'ont aucune raison d'en choisir un autre. Par exemple, cette année, ils n'ont pas choisi Nasri alors qu'il est très très bon. Il devrait, sur des critères sportifs, être sélectionné, mais il ne l'a pas été parce que le sélectionneur a estimé que, comme ils allaient vivre ensemble tous à l'hôtel pendant des semaines, il allait trop foutre le bordel. Un élément perturbateur. Il y a des critères comme ça. Donc là, c'est le choix que fait Didier Deschamps, mais à l'époque de Domenech, il y a cette gestion du groupe qui avait été. Qui a dérapé. Ouais, parce qu'elle était complètement mal. Mal pensée. Oula, quel tir, dis donc. Elle a été très mal envisagée. Là, il a pris des gros noms du sport français. Et puis en plus, voilà, moi je ne connaissais pas ce coup de l'astrologie, quoi, mais par des méthodes un peu douteuses, des manières un peu. Un peu tordu, il a fait ses groupes parce qu'il savait même pas répondre à des questions moi que je ne savais pas, des questions techniques de placement de joueurs et tout ça, c'était très fou en fait. Bah, c'est quand même un mec compétent, hein. C'était un joueur professionnel pendant très longtemps, il a été entraîneur en club avant et tout ça, mais c'est plutôt, moi ce que j'en perçois, c'est plutôt qu'il était assez nul en gestion humaine quoi. Et il savait pas se faire respecter par ses groupes, parce que c'est quand même des groupes de mecs, hein, c'est. Moi j'ai fait du foot pendant longtemps. Les dynamiques de groupe avec ce masculin, c'est. Pas, ouais. Pour reprendre l'expression, c'est quand même pas. Les couteaux les plus aiguisés de la. Ça fait 1h05. Peut-être qu'on enlèverait les 5 premières alors. Ouais. Ou 5, les 5 du milieu. Eh bien, nous vous remercions d'avoir écouté le commentaire de cet OLOM 5-5. On n'allait pas au bout, mais. Mais c'est. On est à peu près sûr de l'issue du match. Et puis, au pire, ça se vérifie. Hein. Ouais, c'est l'histoire qui parle. Exactement. Internet, Lyon-Marseille, 5-5, 2009-2010. Moi, j'ai pas vu Valbuena. C'est vrai, alors qu'il a marqué un but, non? Alors peut-être qu'il est rentré en cours de jeu. Regardons un peu l'affiche. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non. Ah si, regarde, remplacé par Mathieu Valbuena à la 57e minute. Ah oui. Donc là. Oh, il devrait pas tarder quand même. Parce qu'on attend Valbuena et puis après on va l'antenne. Est-ce que... Ouais. Est-ce que c'est si important? On dirait, je pensais que c'était Alex. C'est Chris, mais c'est vrai que c'est le même style. Et puis c'est pareil, c'est Alex show. Chris, c'est quand même des diminutifs. Brésilien. Et c'est deux Brésiliens, c'est ça? Bah ouais. Il n'y a que les Brésiliens qu'on est comme ça. Et c'est étrange quand même. J'aime ça. Chris. Et vous vous souvenez de Chris Waddell? Peut-être que Carmen. Non, c'est qui? C'était un joueur anglais qui a joué à Marseille, qui avait une belle coupe avec les cheveux longs dans le cou. Ouais. Qui était censé être élégant, hein, quand, comme joueur. Ouais, il plaisait. Ouais. C'est à l'époque Jean-Pierre Papin, c'était le gros binôme. Ouais, hein, ouais, ça, ouais. C'était qui le joueur anglais qui était fou? George Best. Alcoolique, grand séducteur. Paul Gascogne était un peu dingue. Oui, alcoolique. Et grand Rooney, c'est un peu le Gascogne d'aujourd'hui, non? Qui ça? Qui Rooney. Wayne Rooney, ouais, non, c'est pas. Ouais, enfin, c'est surtout plus. Donc, comme il a une tête de mineur. Front, ouais. Boxeur un peu. Ouais. Enfin, ouais. La prochaine nedelya v Alors là, il y a corner, coup de coin. Je propose quand même qu'on coupe parce qu'il y a du montage ou alors tu. Ouais, on va couper. Ouais. Ben merci beaucoup. Merci. Merci Carmela. Merci Carmela. Merci Baptiste et Stéphane. Своей бывшей команде. Вот так вот. Ну то, что там освистывали, все было.